cours numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. أخذنا في درسنا السابق ما يتعلق بمسائل تتعلق بالأموال وأن ديننا الحنيف قد شرع لنا ما يحفظ هذه الأموال أسباب des choses qu'on a vues c'est pour préserver les biens du muslim فمن المسائل ماذا أخذنا الحجر نعم فما معنى الحجر؟ عندما واحد مجنون أو صغير لا عنده القدرة التصرف نعم نعم منع الإنسان من التصرف في ماله لسبب من الأسباب منع الإنسان من التصرف في ماله لسبب من الأسباب أي هذا الإنسان يمنع من التصرف في ماله. Donc, cette personne, elle est empêchée de gérer elle-même ses biens, limada, les annaha, elle n'a pas la qudra. Elle n'a pas la capacité. Car elle est yatim, sagir, al-majnoun, al-safir. Tout cela, si ils gèrent leurs biens eux-mêmes, ils se feront du mal à eux et peut-être aux autres. Et fil haqiqa, c'est pour leur bien. Quand ils auront la capacité, فَتُرَدْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَيَتَصَرَّفُونَ بِهَا أو فِيهَا. هذا هو الحج. لماذا الشيخ سعدي رحمه الله عليه il a cité cette مسألة؟ C'est une مسألة فقهية. Pourquoi il a cité في هذه الرسالة؟ لماذا؟ تفضل. نعم. كذلك c'est quoi le rapport avec les bienfaits de l'islam? Tantal? C'est une justice. Non. C'est pour montrer que le din est kamil. Non. حتى هذه المسألة ذكرت في الكتاب والسنة تصابق خزر بهذا المسلم كذلك إلى ستيكم مسائل ما يتعلق بالوثائق كالشهادة on a vu tout ce qui est lié avec le الرهن والضمان tout ça كذلك c'est important pour préserver les biens de ce muslim أنه il veut faire du khayr فمثلا il emprunte de l'argent à un autre هذا الدين يكتب كذلك هنا في مسألة الرهن ما معنى الرهن تفضل نعم لكن نحن ماذا قلنا نعم عين يأخذها بدلا من هذا المال أي va lui prêter ce mal il prend عين c'est une chose. Il prend une chose qui a la même valeur que cet argent qu'il prête à ce insan et il lui prend une chose que maqal al-akh engage. هذا كذلك شرع في ديننا لماذا لحفظ مال هذا المحسن. هذا الانسان c'est un muhsin, celui qui prête. فالله سبحانه وتعالى شرع له ان ياخذ هذا الشيء رهنا pour préserver ses biens. فان رد إليه ماله si celui à qui il a prêté lui rend son argent fa il lui rend cet objet al marhoun il lui rend si il lui rend pas pour une raison quelconque fa hadha al muslim qui a prêté cet argent en appliquant al rahn qui est cité fi al quran wa fi al sunnah fa inshallah il sera pas lésé il sera pas madloub imma il profite de cet objet qui a la même valeur imma il le revend et il récupère son argent wallahi alhamd hada كذلك الشيخ سعدي c'est واضح ظاهر pourquoi il a cité hada ou هذه المسائل هنا ça montre ان دين الاسلام c'est un din parfait et كذلك c'est pour le bien du musulman et la dernière مساله القرض والعرايه Et tout ce qui est lié avec, ça ressemble à la mas'ala précédente, et le prêt, al-qard, c'est prêté. Il a cité une fa'ida azima huna, et un bienfait par rapport à cette mas'ala. Mahou, anna celui qui prête de l'argent ou autre, ahsant, anna hada, ça montre les bienfaits de ce din. Anna ce din, il nous encourage à s'entraider wa ta'awunu ala al-birri wa taqwa, que ce soit avec l'argent ou autre, de s'entraider. Robama, ce frère qui est en besoin, et un autre frère, il lui prête de l'argent. Bien sûr, on avait cité des points importants. Il y en a beaucoup de problèmes. Ils sont liés à ce genre de masail. Lakin, si c'est fait dans les règles, walillahi alhamd, avec des personnes de confiance, enfin, celui qui prête, bien sûr, il a des hasanat. Surtout s'il fait ça, lillahi azza wa jal. لأنه c'est من باب التعاون et كذلك avec toutes ses hasanat il récupère son argent, enfin, il est gagnant ولله الحمد dans tous les cas. لأنه le fait qu'il prête il a des hasanat ثم ترد إليه أمواله كاملة. هذه c'est une ni'ma من ni'am الله عز وجل, et ça montre les mahasin de هذا الدين. Et les détails de tous ces points, al qard wa al araya wa ma yata'allaq bil hajr wa ma yata'allaq bil dhaman wa al rahn wa al kafala etc. نحن on a pas détaillé volontairement les annas des masail fiqhiyya fatudras fi kutub al fiqh. Amma huna Cheikh Saadi cite toutes ces masail pour te montrer un din al islam il légifère des masail, des choses que pour le bien de l'être humain. هذا مراد الشيخ رحمة الله عليه. واليوم نأخذ مثالا جديدا وهو الخامس عشر. قال العلامة الشيخ سعدي رحمة الله عليه المثال الخامس عشر الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسسا لفصل الخصومات وحل المشكلات وترجيح أحد المتداعيين على الآخر. أساس المسألة كذلك مهمة. أن هذا الدين شرع أسسا أي دي باز دي فوندمون pour régler les problèmes. الخصومات حل المشكلات. تعلمون أن الإنسان il est obligé de côtoyer les autres. Que ça soit pour se marier, que ça soit pour faire du commerce, dans la rue, au masjid, au travail. Naam, il est obligé de côtoyer les autres. Farobama, de sa faute, il est responsable. Ou la faute d'un autre, ça peut créer un problème, une mouchkila, nizaa. Et fil haqiqa, ça arrive. Ça arrive. Tout le monde est confronté à had. Surtout si c'est pas ta faute. Fa fi hadha al-hal, si c'est pas ta faute, t'as aucun péché. Anta fi hadha. Lakin, dans notre dîn, il y a des règles pour régler ces problèmes. Et Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi te cite cette mas'ala huna, limada, pour te montrer anna hadha dîn, c'est une rahma. Fa hal al-mushkilat wa fasl al-khusumat, on a des règles, des bases dans notre dîn pour nous démontrer comment faire. فَلِهَذَا قَالْ وَالْتَرْجِيحَ أَحَدَ الْمُتَدَعِيَيْنَ عَلَى الْآخَرَ لِأَنَّ si un problème, on peut citer les exemples, beaucoup de problèmes dans tout ce qui est lié au commerce. مثلاً واحد il prétend qu'il a acheté cette chose et l'autre il prétend qu'il l'a acheté. مثلاً ils sont deux. Il y a un objet. Là chacun a l'acheteur, il n'y en a qu'un. Un, il faut voir pourquoi les deux y prétendent. Ou, un autre mythal qui arrive beaucoup, ce terrain, قطعة من الأرض, maintenant, واحد y prétend qu'elle est à lui, et un autre y prétend qu'elle est à lui. Et là, chacun elle appartient à واحد. Donc, notre dîn, il y a des règles que le musulman, il doit connaître ce genre de choses. Et ça lui facilitera comment se comporter. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. On verra cette règle importante. Anna, celui qui prétend une chose, il faut qu'il emmène une preuve. Il prétend cette chose. C'est quoi ta preuve? Est-ce que tu as une chose qui montre que ce terrain, il est à toi? Al-yaminu ala man ankar. Celui, le terrain, il est déjà à lui. Il est connu que le terrain, il est à lui. On ne va pas lui demander la preuve. On va demander la preuve à celui qui prétend. Maintenant, il vient d'un endroit, personne ne le connaît, personne ne l'a jamais vu, et il prétend que cette terre, elle est à lui. Alors que c'est connu que cette terre, elle appartient déjà à un autre. Alors Obama, il veut construire dessus, il est connu dans le quartier que c'est sa terre. Donc, on reste sur le asl, c'est sa terre. Si un deuxième y vient et il prétend que c'est la sienne, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, tu prétends une chose, fala bud min bayyina. La bud. Et on va citer quelques preuves. كما جاء في حديث ابن عباس أن لو يعطى الناس على دعواهم لدعا رجال دماء قوم وأموالهم أو كما قال si chacun on lui donnerait ce qu'il prétend sans preuve بعض الناس il demanderait أموال الناس بغير حق et c'est un bab de char qui serait ouvert. نعم. Fawahid, maintenant, il accusera justement Fulan, il a tué mon proche. Fulan, il m'a pris telle somme. Est-ce que tu es obligé de lui rendre, il y a des hadiths, il n'y a aucune bayina, il n'y a aucune preuve. Farubama yakdib, c'est une porte de shar. Enfin, notre din, il y a des règles légiférées, wadiha, dans ce genre de situation. Et ça montre que ce din s'est fondé sur Ar-Rahma et que ce din, il est complet. Donc, Cheikh Saadi, là, c'était ce bab. Et c'est un bab muhim. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihi al-azim wa la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Ça montre, ce verset nous démontre un al-islah, quand il y a un problème, une mushkila entre deux musulmans, famina al-khayr ou mina al-sunnah, c'est d'essayer al-islah, de résoudre ce problème, de réconcilier ces musulmans, bien sûr avec des règles, sans être injuste envers un des deux. Al-bayyinatu ala al-mudda'i wa al-yamin ala man ankara. Celui qui prétend une chose, il cite la preuve, et celui qui nie, il jure. Et inshallah, on détaillera qalilan cette règle. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه أي في تفسير الآية المذكورة من سورة النساء قال رحمه الله والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين ومتخاصمين. Et ça c'est clair. أن الإصلاح c'est qu'il y a un problème. Si on doit faire un إصلاح c'est qu'il y a un problème entre deux personnes. Tu peux pas faire l'إصلاح et tout va bien. Ça peut être un problème de couple, ça peut être un problème des associés fi tijara, ça peut être un problème de famille, ça peut être un problème lié à l'héritage ou autre. Al-Muhim, il y a un problème. Enfin, notre dîn nous démontre comment régler le problème avec des règles. Et kadhalik, notre dîn nous encourage de faire l'islah. Qala azza wa jal, aw islahin bayna an-nas. La khayra fi kathirin min najwa. Et beaucoup de choses que les gens y font, ils disent, il n'y a pas de khayr. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré que le khayr il est fi al-amr bi sadaqa. Je trouve que beaucoup de gens ils discutent dans certaines choses et il n'y a aucun khayr. Kalam farigh, rubama des ma'asi, rubama kalamun fi an-nas. Na'am, rubama du haram wadih. فالله سبحانه وتعالى يدمنطر أن الخير إلى في الأمر بالصدقة سنكوراجيا في الصدقة أو معروف في المعروف أبليك السنة أو بيغى الله سبحانه وتعالى أو إصلاح بين الناس كذلك c'est une chose que الله سبحانه وتعالى il a cité. Celui qui fait ces choses ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله, avec cette condition, أنه son but c'est pas que ces personnes dont il essaye qu'il essaye de réconcilier lui donnent quelque chose ou que les gens y parlent en lui de bien. Là, son but, c'est rida Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Celui qui fait هذا pour rida Allah subhanahu wa ta'ala, قال عز وجل فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. ajrun a'zim fi hadha. Donc le musulman il fait des efforts fi hadha. La yanbaghi annahu, tu connais des personnes, surtout les proches, des membres de ta famille ou des amis ou des frères que tu connais, et baynahuma li khusuma, et ça arrive khusuma khassatan, des problèmes ahyanan, des disputes, c'est basé sur des choses futiles. La yanbaghi qu'on reste dans ce cas-là en spectateur. Ka'anna t'es pas au courant, ka'anna ça te regarde pas, li anna ba'd an-nas lil asaf, tant qu'ils ne sont pas concernés, ils ne se mouillent jamais. Et ça, c'est pas tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala amara an na'mur bil ma'ruf wa nanha anil munkar. Si quelqu'un a fait un munkar et tu le sais, il est injuste envers son frère, injuste envers ce muslim, fayunsah. Kadhalik, si c'est quelque chose de futile, des choses de dunya, fayunsah. Et kadhalik, al-islah. Al-islah. Ay ta'amuruhum bil sabr. Et tu lui démontres que son frère, c'est un être humain, il a fait une faute. Si c'est pas lui, si c'est lui qui est fautif, tu lui démontres annahu il a fait une faute envers son frère. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafour rahim. Et annahu il demande pardon à son frère. Hakada al-muhim al-islah. Amma rester en spectateur, c'est pas tayyib. Ba'd an-nas nafsi nafsi. Il se mouille jamais. Hada qad yubtala. Qad yubtala bi shakhsin. Il lui fait des problèmes et il espérait que son frère يتعاون معه. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر سأمر أخاك ظالما أو مظلوم. سيل مظلوم سواضح كما جاء في الحديث. سي سبينا انجست سواضح. تنصره. تنتخاد معه. سي سلوي كي انجست ظالما كذلك تنصره تلاد. Ils ont demandé à الرسول صلى الله عليه وسلم comment aider ce frère, il est valim, c'est lui qui est injuste. Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tuhdithu 'ani adh-dhulm. Et tu le conseilles, tu lui montres qu'il ne doit pas être injuste envers son frère. Hadha nasr. Hadha c'est muhim. C'est muhim. Notre din, comme tarawn dans cette risala, Cheikh Saadi rahmatullah alayhi, c'est plusieurs sujets. Notre din, c'est pas que pour le masjid. Notre din, c'est pas as-salat wa sortir zakat, faire ramadan, faqat. Là, notre din, il est chamil li kulli shay, c'est un mode de vie. Il est hada al-kuffar, yuharibun hada din. Et c'est pour ça qu'ils veulent fasla hada din, ani l'haya. Et tu fais ce din, faqat chez toi. Ce qu'ils appellent l'almaniya, la laïcité. Amma nahnu la. Na hada din, c'est pour notre bien dans tous les domaines. Qal al-shir sa'di rahmatullah alayhi, wa niza'u, wa al-khisamu, wa al-taghadub, يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de faire l'islah. Pourquoi? Parce que se diviser, que ça soit dans une même famille, que ça soit avec tes frères, que ça soit avec un musulman que tu connais pas, le khilaf, cette division, c'est du shar. Comme قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. Ne vous divisez pas. لِمَادَ. Pourquoi ça va, il va avoir quoi comme conséquence? فَتَفْشَلُوا. الفشل أي la faiblesse. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ أي قُوَّتُكُمْ. العلماء يفسر الريح هنا بالقوة. نعم. Et votre, vous n'aurez plus de قوة. C'est pour ça que من مبادي الكفار divisez pour mieux régner. C'est pour ça que le kuffar yas'auna sa'yan hathithan fi tafriqati al-muslimin. Il divise al-muslimin. Pourquoi? Li yatamakkanu. Li yanna, ils savent très bien qu'une umma qui est divisée, elle n'a plus la force d'une umma qui est unie. Donc, nahnu nas'a, même à petite échelle, ton voisin, tes amis, ta famille, tas'a fi hada. Tas'a fi l'ijtima', bien sûr, ala al-haq. C'est pour ça que cette règle qu'on va voir, elle est muhimma. Anna fasl al-khusumat wa hal al-mushkilat, tout ça c'est fondé sur des preuves qu'on va voir bihaq. On ne fait pas comme ils font al-ikhwan al-dhullal, al-ikhwan al-muslimoun al-dhullal, annahum yajtami'oun faqat nashtami' fima attafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima akhtalafna fihi. Ça c'est min mabadi al-zayghi wa al-dhalal, annahum ils se rassemblent, faqat l'essentiel, on ne se divise pas. on ne se divise pas. Tu fermes les yeux sur mes égarements et je ferme mes yeux sur les tiens. Aïe, pas de nasiha, pas de bayan. هذا اجتماع فاشل كذلك لا الاجتماع الى على الحق واعتصموا بحبل الله جميعا فالاعتصام والاجتماع سي على الحق على البرهان قال الشيخ سعدي رحمه الله عليه فلذلك حث الشارع على الاصلاح بين الناس في الدماء والاموال والاعراض الاصلاح الشارع قصصه في القران وفي السنه nous encourage à faire الاصلاح Al-islah bayna an-nas, c'est réconcilier. Tuslih. S'il y a un problème, tu le règles. Bayna an-nas, que ça soit fiddima. Ça arrive. Wahed, il a tué un autre. On regarde comment faire. Est-ce qu'il doit payer ad-diya? Est-ce qu'il lui pardonne? Est-ce qu'il a tué volontairement, involontairement? Mohim, il y a des choses à faire. Qala wal amwal, kadhalik. Un musulman, il demande son haq. Que ça soit l'héritage ou autre. Et son frère musulman, il ne veut pas lui donner son haq. Donc, un khosouma entre eux. Wahed, il a une demande, il faut voir. Est-ce qu'il demande lui haq? Hatta, il n'est pas lésé, il n'est pas opprimé. Qal wal a'rad, kadhalik. Wahed, il est accusé bi ghayri haq. On accuse sa femme bi ghayri haq. D'une tuhma, wal iyadu billah. Hada kadhalik. La abud min islah. Pourquoi tu l'accuses? Est-ce que tu as des preuves? Si ce n'est pas vrai, يؤدب يعذر وهكذا قال بل وفي الأديان كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حتى الإصلاح في الدين أي si on a une division avec on est divisé avec un شخص avec un groupe on n'est pas d'accord لا شك بعض الخصومة ربما هذا يكريتك هذا هذا يكريتك هذا فالإصلاح لكن كما قال الله عز وجل الشيخ سعدي لا سيتي لي فيرسي هنا واعتصموا بحبل الله جميعا Et chacun est remis au délit. Celui qui s'est trompé est tout. J'ai pas forcément raison, t'as pas forcément raison. C'est pas que vous êtes plus que vous avez raison. C'est pas qu'on est plus vieux qu'on a raison. Là, celui qui a raison, c'est celui qui suit le haq. Enfin, on revient tous au haq. C'est comme ça qu'on règle les problèmes de la division. Pas comme ils font al-ikhwan, al-dhullal. Aïe, en apparence, faqat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Kadhalik al-kuffar, ils sont ala hada. Ils font des unions dans beaucoup de choses, que ce soit politique ou commerce ou dans beaucoup de domaines. Et fil haqiqa, qulubuhum shatta. Ils se détestent. Nahnu la. On se rassemble à l'haq et al-qulub safiya bi-idhnillahi azza wa jal. Qal wa qala ta'ala wa in ta'ifatan min al-mu'minin aqtatalu fa aslihu baynahuma. Fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kadhalik, cet exemple, si deux groupes de muslimines s'entretuent, fa'aslihu baynahuma, al-islah. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam marra, tellement que c'est important ce sujet, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam marra, il a délaissé salat al-asr, il l'a retardé. Et il a fait al-islah entre deux tribus. Fil Medina, il y avait un problème, il a fait al-islah tellement que c'est important, il a retardé salat. Limadha li anna. Si il réconcilie pas entre ces deux tribus, Rupama, ça peut aller loin. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réconcilié, il les a conseillés, thumma, il est venu, et il a trouvé dans les sahaba, ils avaient fait le salat. Ah, ils ont commencé à faire le salat. Hada, c'est amr muhim. Wa qala Allahu azza wa jal, wa sulhu khayr. As-sulhu khayr. Naam, khayrun azim dans as-sulh, wa l'islah. قال الشيخ سعدي والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانط بالصلاة والصيام والصدقة. Celui qui fait l'islah بين الناس, c'est mieux que celui qui fait الصلاة la nuit et il jeûne le jour. Il est أفضل منهم. والمراد بالصلاة والصيام هنا c'est النوافل. أي un jeûne qui est pas obligatoire, une salat qui est pas obligatoire, et نافلة. Celui qui fait l'islah son ajri a'zam. Qala jalla wa ala nu'tihi ajran azima. Hada ja'a fi hadith Abi Darda. Al-Sheikh Sa'di rahmatullah alayhi, il a pas cité le hadith bin Nas, il a cité la récompense et cette récompense elle est citée fi hadith Abi Darda radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ala ukhbirukum bi afdal min darajati as-salati was-siyami was-sadaqah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré à ses compagnons, est-ce que vous voulez que je vous démontre une chose qui est meilleure, afdal min daraja, elle est meilleure que celui qui fait as-salat wa siyam wa sadaqa? Qalu bala. Ils ont dit, on veut que tu nous montres, ya Rasulallah. Qala islahu dhat al-bayn. Aïe, quand tu sais que entre deux mu'mines, couple ou autre, il y a un problème, tu fais l'islah. Tu fais tout pour les réconcilier et que chacun, s'il a un haq à prendre, il le prend. Et le conseil est bien sûr tout ça, bil hikma wa al maw'idati al hasana. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفساد ذات البين هي الحالقة. أما quand il y a des problèmes entre musulmans et son frère, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a appelé هذا هي الحالقة. الحالقة ça veut dire الحلق, quelque chose qui coupe. Et dans une riwaya, قال النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré c'est pas حالقة الشعر, c'est pas quelque chose qui va couper les cheveux là. قال حالقة الدين, quelque chose qui coupe le din, qui fait du mal au din. Donc tout ça, Cheikh Saadi le cite dans son tafsir pour démontrer l'importance de l'islah. قال والمصلح لابد أن يصلح الله سعيه وعمله. الجزاء من جنس العمل. Celui qui fait une chose لله سبحانه وتعالى, Allah سبحانه وتعالى كذلك, il lui facilite, il lui remplace par quelque chose de meilleur. Enfin, celui qui fait l'islah et il est gêné quand il apprend que entre un musulman et un autre il y a un problème, certaines des choses futiles, min umur ad-dunya, et il fait tout pour les réconcilier, Allah subhanahu wa ta'ala yuslih sha'na wa sa'yahu wa 'amala, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Fa à ne pas négliger hada al-amr, surtout ou ça arrive beaucoup hada dans les couples. Celui qui peut réconcilier, conseiller, bien sûr dans les règles, il y en a ba'dhum rabbama, ils veulent conseiller ou yasta'jilun, ou ils n'ont pas compris le mas'ala, ou ils ne sont pas objectifs. Là, celui qui rentre dans cette affaire, il rentre bihaq. Il y en a, faut faire attention, comme on l'a déjà expliqué, les sentiments. Il veut faire du khayr et rabbama, il veut les réconcilier sans avoir réglé le problème. Et un des deux, dans le couple, ils sont opprimés, lésés. Là, chacun prend son haq. Après cette réconciliation, on repart à zéro. C'est ça le sulh al-nafi'. Amma kam min an-nas yafun as-sulh, et un jour, deux jours après, rabbama ça s'empire. Yaqulu Allah 'azza wa jalla, fabtaghu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ça c'est une tariqa tayyiba. Anna hakamun, il y a une personne qui représente le mari et une personne qui représente la femme. قال فابتغوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. Et bien sûr, celui qui prétend une chose, البينة, comme on va voir الآن, إن شاء الله تعالى, celui qui nie اليمين, il jure, et إن شاء الله الأمور تكون طيبة avec cette طريقة. قال الشيخ سعدي, on revient à la رسالة, après avoir cité cette muqaddima dans ce sujet muhim, on a lu de tafsir al-Sheikh Sa'di min surat al-Nisa, la khayra fi kathir min najwahum. Qala rahimahullah, fa innaha al-an, il va démontrer c'est quoi ces usul. Il a dit, on répète son kalam, al-usul wal-qawa'id allati ja'alaha al-shari' ususan li fasl al-khusumat wa hal al-mushkila. Ay, des règles, des bases, des fondements pour régler les problèmes. Al-An, il va citer c'est quoi ces règles, ou un aperçu. قال فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان. Donc tout ça c'est fondé sur al-adl, la justice. Ne pas pencher vers un des deux parties parce que c'est une connaissance, parce que c'est de la famille, parce que il va te donner, parce que abatan al-adl. Faut être juste. Celui qui a un haq, il a un haq. Celui qui s'est trompé, il s'est trompé. Celui qui doit rendre, مثلاً, cette terre ou cet argent, il la rend. Al-adl. قال مبني على العدل والبرهان. كذلك, une preuve. Ne pas se précipiter. بعضهم, il fait l'islah et ربما c'est les sentiments. Celui qui pleure le plus, celui qui est le plus affaibli, le plus triste, il a forcément raison. Là, faut un burhan. Là, vous. La bud, celui qui fait l'islah, il faut savoir mettre les sentiments de côté via hadha al-habl. Sentiments de côté, ça veut pas dire que, ça veut dire plutôt que les sentiments, c'est pas la base. Là. Ou celui qui hausse le plus le ton, il a forcément raison. Là. Ou celui qui parle le plus, il a raison. Il y en a, ahyanan, t'as un problème entre deux, et tu trouves wahed, il est forcé, il parle beaucoup. Et un autre miskin, il a l'haq, lakin, il sait pas le démontrer. Attention. Attention à ne pas léser celui qui a du mal à s'exprimer, à démontrer. Là, al-haq, al-burhan. S'il a une preuve, il a une preuve. Qu'il parle ou pas, la preuve, elle est wadiha. Il n'a pas de preuve, il n'a pas de preuve. Même s'il parle beaucoup, ça ne changera rien. Donc, al-mas'ala, elle revient. Deux choses. Adlun, c'est-à-dire qu'au départ, l'adl. L'objectif, c'est de réconcilier et ne pas prendre parti. Celui qui a l'haq, inshallah, il reprend son haq. Et, bien sûr, tout ça, comment on va savoir qui c'est qu'al haq al-burhan? Qala, wa attirad al-urf, wa muwafaqat al-fitr, fa innahu ja'ala al-bayyina ala kullu man idda'a shay'an aw haqqan min al-huquq. Celui qui prétend une chose à al-bayyina. Fa matalan siyaratun, elle est à un frère ma'rouf. Tout le monde sait que c'est sa voiture, il roule avec. Demain, Wahed, il vient nous voir maintenant et il dit, cette voiture, ce frère que vous voyez avec cette voiture, fil haqiqa, c'est la mienne. Al-an, il dit, al-an, une chose, al-an, de l'extérieur, une personne de l'extérieur, il prétend une chose, elle est connue, une dame, elle appartient à Foulain. Ça veut pas dire que c'est la sienne. Ça veut pas dire que celui qui demande l'an son haq, il a tort, là. La kien, al-an, il faut appliquer les règles. Al-bayinatu ala kulli man idda'a shay'an. Al-an, on le rejette pas. On lui dit pas là, pourquoi tu prétends ça, ce frère on le connaît, un temps on te connaît pas là. Tu prétends cette chose, barakallahu fik, c'est quoi ton burhan? Nous, on connaît ce frère, on sait que ça fait longtemps il a cette voiture, anta, tu viens de loin, tu prétends cette chose, tu dois nous démontrer. Tu dois nous montrer une preuve que c'est ta voiture. Al-bayinatu ala al-mudda'i. Qala man idda'a shay'an aw haqqan min al-huquq. فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعى به ومتى لم يأتي إلا بمجرد دعوى حلف المدعى عليه على نفي الدعوى. Si il emmène une preuve claire, concrète, واضحة أنه c'est sa voiture dans notre exemple, il récupère sa voiture. Si il emmène pas de preuve, Celui, la voiture, on sait qu'elle lui appartient. Ah oui, il est à l'al-ast. On pensait que c'était à lui avant que la deuxième personne elle prétende le contraire. Il jure. Vu que l'autre il n'a pas de preuve, il prétend faqat. On n'a pas de preuve. L'un, comment faire? Il n'a pas de preuve, donc on ne peut pas lui donner ce haq. Lakin, on fait jurer l'autre. Pourquoi les anna al-muslim, la base c'est qu'il azzam Allah azza wa jal. Le muslim, la base, c'est qu'il azzama Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas le droit de... Ou il ne mentira pas en jurant par Allah. C'est pour ça que ce muslim, il doit jurer. Il dit, Wallahi, yalna, cette voiture, c'est la mienne. Je l'ai achetée à un tel, à telle époque, et il jure. Alhamdulillah, dans ce cas-là, celui qui a prétendu, on lui dit, celui qui a prétendu que c'est la tienne, on lui dit, t'as pas eu de preuve, le frère, il a juré, qu'a fait. Une personne, elle peut dire... Mais si jure en mentant. Ja'a fi hadith, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a démontré ce hukm, al-bayinatu ala al-mudda'i wa al-yamin ala man ankar, anna deux personnes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient un problème. Et wahad, il prétendait que c'est à lui, une terre, fima athkur, et l'autre, il disait que c'était la sienne. Fa nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré ça. Al-bayinatu ala al-mudda'i wa al-yamin ala man ankar. Enfin, celui qui prétendait n'avait pas de preuve. Et ça arrive. Liana, ça veut pas dire quand on dit al-bayyinatu ala al-mudda'i wa al-yamin ala man ankar, anna celui quand même pas de preuve, c'est pas son bien. Rubama, c'est son bien, là qu'il n'a pas de preuve. Comment faire dans ce cas-là? On fait jurer l'autre, et kafa. S'il ment, fa yan wa'id shadid, fa li hadha, l'homme qui avait pas de preuve, et c'était son bien, fa al-haqiqa. Quand il avait pas réussi à emmener une preuve, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à l'autre de jurer. Enfin, le premier, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulallah, et s'il ment ?» Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré al-wa'id al-shadid. Celui qui prétend, qui jure pour prendre les biens de son frère musulman, tawaqahu Allah sab'a aradhin yawm al-qiyamah. Na'am, hada al-'adab al-shadid. Fal-insan yattaqi Allah. Yattaqi Allah. Lianna ces règles, en haqiqa, tu peux pas faire du cas par cas, c'est une règle globale. Bayyinatu 'ala al-mut'i yamin 'ala man anka. Probablement بعض الناس essaieront de mentir. Lakin il faut pas oublier yawm al-qiyamah. Et celui à qui on prend son mail injustement, et il jure matalan alors que lui il n'a pas de preuve, yawm al-qiyamah il récupérera ses biens. Yawm al-qiyamah ça ne sera pas des terres ou des voitures ou là. Yawm al-qiyamah c'est l'hasanat ou l'siyyat. Celui qui réfléchit à tout ça, ça montre que ce din il est complet. Celui qui veut le khayr, celui qui veut jouer, il a du khida', il a du makr, là, il se fait du mal qu'à lui. Même s'il a récupéré cette voiture ou ce bout de terre ou cette maison, ad-dunya za'ila. Et celui qui a été lésé, opprimé, si on lui a pris sa voiture, ou sa maison, ou sa terre, il est patient et yawm al-qiyamah, c'est le jour de justice, il ne pourra pas mentir. Hada. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه حلف المدعى عليه على نفي الدعوى ولم يتوجه للمدعى عليه حق وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء وجعل القرائن وجعل القرائن البينة والعرف المطرد بين الناس من البينات نعم كذلك العرف c'est pris en compte هنا أي c'est معروف أن cette chose c'est à lui. Il y a des qara'in kadhalik qui montrent. Des qara'in, il y a des choses extérieures qui montrent que cette chose elle appartient à Foulain. Et ça, en fait, ça revient au qadi, il va étudier l'affaire et il va voir est-ce que la preuve, nous on détaillera pas tout, on a, est-ce que la preuve de cette personne elle est acceptable, amla, et rabbama, le témoignage s'est pris en compte dans certaines choses. Tout ça, le qadi, il va étudier, détailler cette affaire et inshallah, il citera un hukm. À qui elle appartient cette terre? À qui elle appartient cette voiture? Et bien sûr, il utilisera cette règle s'il applique le sharia. Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yamin ala man ankar. Qala fal-bayyinatu ismun jami'un laka. Na'am. Ou likulli ma yubayyin al-haq. Na'am. Kanahu imak al-lam. Na'am imak. Fal-bayyinatu ismun jami'un likulli ma yubayyin al-haq wa yadullu alayhi. Na'am. قال وجعل عند الاشتباه donc البينه la preuve c'est ce nom il englobe tout ce qui montre un haq ou نعم qui prouve que cette chose elle appartient à Fulan dans tous les exemples qu'on a donné اسم جامع لكل ما يبين الحق ويدل عليه ça peut être اقرار c'est une بينه انه il reconnaît مثلا واحد il accuse un autre ثم un des deux il reconnaît il dit صحيح c'est à lui c'est une bayina ça peut être shahada un témoignage des personnes elles témoignent on était présents des personnes de confiance on était présents quand il a acheté cette voiture on l'a vu etc ils témoignent ça peut être des qara'im il y a des choses extérieures qui montrent que cette chose elle lui appartient وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق الصلح العادل المناسب لكل قضية طريقا إلى حل المشكلة والمنازعات فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله وهو نافع لهم فقد حث عليه إذا كان وسيلة إلى فصل الخصومات وقطع المشاجرات نعم فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله c'est deux choses. Tu peux faire l'islah entre deux personnes tant qu'il n'y a pas dhulm, et un des deux parties, il ne subit pas une injustice, kadalik sans faire de ma'asiyah. Enfin, si tu emploies une méthode pour réconcilier, il n'y a pas de dhulm, il n'y a pas de ma'asiyah, alhamdulillah, c'est permis. Il n'y a pas une méthode précise. Si tu ne fais pas cette méthode, tu tombes dans le bid'ah. Là, tu réconcilies, lakin attention au ma'asi. Et kadhalik, attention de ne pas vouloir faire le sulh à tout prix et un des deux parties soit lésé, blâmé. Enfin, c'est deux choses. Adam al-dhulm wa adam al-ma'asiyah. Qal wa huwa nafi'un lahum faqad hatha alayhi idha kana wasilatan ila fasli ou idha kana wasilatan ila fasli al-khusumat wa qat' al-mushajara. Wa sawa fi hadha ma bayna al-qawi wa al-da'if. Na'am, c'est important. Liannahu لأنه ربما القوي أو الغني celui qui a beaucoup d'argent ou il a une responsabilité une place Robama, il peut faire du mal au daif. Ce genre de règle, c'est pour préserver al-du'afa. Kadalik, c'est pour aider al-aqwiya, qui ne profitent pas de leur force. Ça, c'est muhim. Qal wa ra'is wa al-mar'us fi jami' al-huquq. Na'am. Qu'il soit ra'is, il a une responsabilité, ou mar'us, ou que ce soit une personne du peuple. Fasina haq, il a haq. Wa قال وأرضى الخصوم بالسلوك طرق العدل وعدم الحيف. هذا سبب مهم جدا. Et ce genre de règles, elles sont détaillées في كتب القواعد. الشيخ سعدي له كتاب نفيس جدا القواعد والأصول الجامعة dans tout ce qui est lié à القواعد الفقهية. Et il a cité cette règle. Et c'est un fun عظيم هذا. طالب العلم il doit donner de l'importance à ce fun al-qawa'id, des règles qui vont être utiles dans ton din et kadalik pour ta dunya. Maintenant, cette règle, elle est citée. Cette règle, annahu al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Et beaucoup d'autres règles, Cheikh Saadi en a cité une cinquantaine dans ce livre, et parmi ces règles, cette qa'ida qu'il a citée dans cette risale Ad-Durra Al-Mukhtasara fi mahasin Ad-Din Al-Islam ou Ad-Din Al-Islam. Il a cité la règle numéro 10 Al-Qa'idatu Al-Ashira Al-Bayyinatu Al-Mudda'i Wal-Yaminu Al-Man Ankar fi Jami' Al-Huquq Wal-Da'awa wa Nahwiha Hatta fi Al-Tabdi' Wal-Tafsiq Al-Bayyinatu Al-Mudda'i. Celui qui prétend que Fulan c'est un Mubtadi' ou un Fasiq ou un kafir, il ne peut pas dire ce qu'il veut. Si on ouvre cette porte, فربما الأهواء الغنط كما حصل وحاصل في بعض الناس أنه s'il n'aime pas un tel, ou il a de la rancœur envers un tel, ربما il l'accuse. C'est un mubtadi', c'est un tel, c'est un. هذا لا يجوز. البينة على المدعي. Tu prétends une chose, لا بد من البينة. حتى ton قول il est accepté. خاصة si. Si cette personne elle est à la sunna, elle est connue pour être à la sunna, elle a fait des efforts, ça ne veut pas dire qu'elle va rester sur sunna jusqu'à ce qu'elle meure. Là, il peut dévier. Là, celui qui prétend annahu il a dévié, là, bout d'une bayyina. Wadiha. Et il a cité beaucoup de points, ou quelques points. Et nous, ce qu'on a cité, inshallah, fihi kifaya. Fahada, ma yata'allaq bi hada al-mithal. الخامس عشر الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسسا لفصل الخصومات وحل المشكلات. إلى ستي لا رجل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الدين يبخزغ لبيان. هذا الدين يبخزغ لنا. هذا الدين اللي فوندي سوغ العدل. Celui qui a un حق il récupère son حق s'il a une preuve. كم من الناس الآن والعياذ بالله ils ont perdu des أموال et leur honneur elle a été salie. Bibatel. Pourquoi les annas, ce genre de règles, elles ne sont pas appliquées? Comme les annas. Il prend un avocat, un menteur, qui parle beaucoup, et il arrive à faire à croire à tout le monde annas, cette chose elle a lui, alors qu'elle n'est pas à lui. Aucune bayina. Fakat, imma rechwa, la corruption, imma manque d'objectivité, celui qui juge. Fahada, rubama, ammoua, le temps est là. Il récupère de l'argent, des grosses sommes, bibatil. Fala bud mina al-khawf min Allah et appliquer ce genre de règles. Fala l'islam c'est une rahma. Et vous comprenez pourquoi certaines personnes, min al-kuffar ou ghayr al-kuffar, ils ne veulent pas ce genre de règles qu'elles soient appliquées. Les ma'adhan, yannas, ça leur fera du mal. Ça leur fera du mal. Tu dis une chose, tu prétends une chose, al-bayyina. Quelle que soit ta place, une preuve comme quoi cette chose elle t'appartient, wa illa, elle revient à son propriétaire. Il est ahakku biha. C'est pour ça que le kafar al-mujrimoun, ils ne veulent pas de hada l'islam. Alors, tantar, toutes les accusations qu'ils font, toutes les choses qu'ils citent, c'est batil, ils ne veulent pas hada d'din, les anna hada d'din, ils appellent au khayr et eux, ils ne veulent pas le khayr. Ils voudraient le khayr, ils auraient adoré Allah subhanahu wa ta'ala, et ils auraient suivi son messager sallallahu alayhi wa sallam. Naktafi bi hada al-qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alamin.